إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc l'intitulé du cours concerne la prière de consultation qu'on appelle Salatu al-Istikhara, qui est une tradition du prophète alayhi salatu wassalam, pratiquée par lui-même alayhi salatu wassalam, et qu'il a enseigné à ses compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Il leur a enseigné tellement cette sunna que celui parmi les compagnons qui nous rapporte le hadith concernant ce sujet, il précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait la consultation dans toute affaire comme il leur enseignait alayhi salatu wassalam les sourates et les versets du Coran. Donc pour montrer l'importance de la prière de consultation. L'enseignement concernant ce sujet, on va le prendre d'un ouvrage du Cheikh Dr. Abdul Razzaq ibn Cheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a un ouvrage très important concernant la signification, la définition, l'explication des du'as qu'on retrouve dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet ouvrage s'intitule « Fiqh al-ad'iyyati wal-adhkar », la compréhension des du'as, des invocations ainsi que des rappels qu'on retrouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est un ouvrage qui a été publié en 4 parties. Et maintenant, souvent, on le retrouve en 2 volumes, chaque volume comportant 2 parties. Donc, dans le chapitre concernant Salat al-Istikhara, le Cheikh Abdul Razzaq, Hafidhahullah Ta'ala, c'est le chapitre numéro 149, Du'a'u al-Istikhara, l'invocation de la prière de consultation. Il dit, Hafidhahullah, الحديث هنا عن دعاء الاستخارة الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا هم بفعل أمر لا يدري عاقبته ولا يعرف مآله. Donc le sujet concerne l'invocation de la consultation dont il est recommandé, conseillé aux musulmans de prononcer, de formuler lorsqu'il a envie d'accomplir ou d'entreprendre une affaire dont il ne sait pas la conséquence de cette affaire. Est-ce que ce sera un bien pour lui ou un mal ? Fafi Sahih al-Bukhari, an Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, qala, kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. الحديث رواه البخاري. وانظر حول هذا الحديث حديث صلاة الاستخارة رواية ودراية للدكتور الشيخ عاصم ابن عبد الله القريوتي حفظه الله تعالى. Donc le hadith, comme on l'a déjà précisé, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, dans son authentique. Et le cheikh Abdul Razzaq, il encourage de revenir pour ceux qui veulent apprendre et savoir toutes les leçons à tirer de ce hadith, à l'ouvrage qui s'appelle le hadith de la prière de consultation, que ce soit d'un point de vue de narration ou de compréhension, du docteur le cheikh Asim ibn Abdillah al-Qaryuti hafizahullahu ta'ala. Et pour la traduction en français de ce hadith avec ce long dua, il y est dans la citadelle du musulman ou la forteresse du musulman. Donc d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agré lui et son père, Jabir ibn Abdillah, lui et son père étaient musulmans, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait l'invocation de la consultation à réciter pour toutes nos affaires, comme il nous enseignait une sourate du Coran. Il disait: lorsque l'un d'entre vous décide d'une affaire, qu'il accomplisse alors une salate de deux rak'a en dehors des salates obligatoires, puis qu'il dise: ô Allah, je te consulte par ton savoir, je cherche la force par ton omnipotence, et je te demande de ta grâce immense. Car certes, tu peux alors que je ne peux pas, tu sais alors que je ne sais pas, et tu connais parfaitement l'inconnu. Ô Allah, si tu sais que cette affaire, et il cite cette affaire, est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans ses conséquences, ou bien il dit dans ses conséquences immédiates ou ultérieures, alors destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Mais si tu sais que cette affaire est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans ses conséquences, ou bien il dit dans ses conséquences immédiates ou ultérieures, alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle, et destine-moi le bien où qu'il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, le cher Saïd ibn Wahf al-Qahtani, hafidhahullah, rajoute une parole. Il dit: وَمَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَخَارَ الْخَالِقِ وَشَاوَرَ الْمَخْلُوقِينَ الْمُؤْمِنِينَ وتثبت في أمره، فقد قال سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Ce qui signifie: il n'est personne qui ait consulté le Créateur, demandé l'avis des croyants et persisté dans son affaire et qu'il l'ait regretté. C'est-à-dire que personne ne le regrette d'avoir consulté Allah tabaraka wa ta'ala et d'avoir demandé conseil auprès des croyants, auprès de personnes compétentes qui pourront te renseigner et t'aider dans cette affaire. Allah, gloire à lui, dit à ce sujet, dans le sens du verset, et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله نجي وهذا الدعاء العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مقام طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم وهو متردد في مآله هل هو إلى خير أو إلى شر وهل هو إلى نفع أو إلى ضر هو عوض لأمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية. Cette invocation énorme et grandiose, bénie, qui nous a été recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, le moment où la personne va entreprendre une affaire. C'est un moment où la personne qui veut entreprendre une affaire, mais qui est dans le doute. Il ne sait pas. Est-ce que la conséquence de cette action le mènera vers un bien ou un mal? Le mènera vers un bénéfice ou alors une nuisance? Allah a donné cette invocation, cette action louable à accomplir en échange de ce qu'avaient les gens avant l'islam à l'époque de Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Amma kana alayhi ahlu Jahiliya min zajri al-tayr wal istiqsam bil azlam idha badat lil wahid minhum hajatun min nikahin aw safarin aw bay'in aw nahwi dhalik. Car à l'époque pré-islamique, ils avaient des présages. Ils avaient des actes qui font partie de la superstition. Si l'oiseau, il vole à droite ou à gauche, c'est, s'il vole dans un sens, pour eux, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse l'action. S'il va dans l'autre sens, qu'il ne la fasse pas. S'il rencontre une personne avec un visage joyeux, qui donne bon présage, c'est-à-dire que c'est un signe, comme quoi il doit accomplir cette action. Sinon, il n'ira pas l'accomplir. C'était cette manière-là qu'ils avaient de faire à l'époque pré-islamique. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné en échange ce qui est bien meilleur, qui est salatul istikhara, dua istikhara, la prière de consultation. Donc à l'époque aussi, lorsque quelqu'un voulait entreprendre un mariage, un commerce ou autre, ils avaient ces façons de faire qui ont été bannies par l'islam. فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب. Donc ils cherchaient leur part qui leur est cachée, qui fait partie de l'ghayb, de l'inconnu, qui concerne le futur, en pensant que là il y a un signe qui va les diriger vers ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils font ou ne font pas cette action? فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب وهذا ضلال وَسَفَهُمْ كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ. Ce sont des sottises et de l'égarement sur lequel étaient les gens de l'époque pré-islamique. وَأَمَّا أُمَّةُ الْإِسْلَامِ فَقَدْ هَدَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَرَاشِدِ الْأُمُورِ وَمَفَاتِيحِ الْخَيْرِ وَسُبُلِ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Alors que la communauté de l'islam, les adeptes de l'islam, Allah les a guidés vers les bonnes choses, vers les clés du bien, vers les chemins du bonheur concernant cette vie d'ici-bas et l'au-delà. وَمِنْ ذَلِكُمْ هَذَا الدُّعَاءَ الْعَظِيمِ الَّذِي هُدِيَتْ إِلَيْهِ أُمَّةُ الْإِسْلَامِ. Et parmi ces choses, il y a ce dua, cette invocation énorme et grandiose vers laquelle a été guidée la communauté de l'islam. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل. الإمام Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné en échange ce dua, cette invocation qui comporte du monothéisme, une preuve de pauvreté que montre le serviteur face à Allah Azza wa Jal, une servitude et une recherche de refuge auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Wa su'alun liman bi yadihi al-khayr kullu alladhi la ya'ti bil hasanati illa hu wa la yasrifu as-sayyi'at illa hu. Et la demande à celui qui détient entre ses mains tout le bien, celui qui est capable de te ramener le bien et celui qui est capable d'éloigner de toi le mal. الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. Celui qui s'y ouvre, il ouvre la porte de la miséricorde à son serviteur, personne ne pourra l'en priver. Et s'il vient le priver de cette miséricorde, personne ne pourra lui ramener ou lui donner cette miséricorde, quel que soit le moyen d'entreprise parmi les moyens connus à l'époque pré-islamique, que ce soit le bon ou le mauvais présage, que ce soit par le biais des étoiles, en pensant que les astres peuvent, une certaine connaissance des astres peuvent ramener un bien, ou alors d'être bien chanceux ou malchanceux, tout ceci ne font partie que des actions de l'époque pré-islamique. فَهَذَا الدُّعَاء هُوَ الطَّالِعَ الْمَيْمُونَ السَّعِيدَ. Cette invocation, c'est celle-là qui te ramènera le bien. C'est celle-là qui pourra t'amener le bien et te rendre bien heureux. طَالِعُ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالتَّوْفِيقِ. Ça, c'est la bonne action pour les gens du bonheur et les gens qui gagnent la réussite. الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى. Ce qu'Allah a voulu pour eux, le bien. لَا طَالِعَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالشَّقَى وَالْخُذْلَانِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Non pas les présages et les actions commises par les gens de l'association du polythéisme, les gens du malheur et de la perdition, ceux qui ont donné à Allah un égal, une divinité avec Allah, et ils verront bien plus tard qu'ils avaient tort et qu'ils ont mal agi. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة. Donc ce دعاء, cette invocation de consultation, comporte en son sein la reconnaissance de l'existence d'Allah, glorifié soit-il, la reconnaissance des attributs de perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans la science, dans la capacité, dans la volonté, la reconnaissance et la reconnaissance de sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, wa tafwid al-amr ilayh wa al-isti'anat bih wa al-tawakkul alayh wa al-khuruj 'an 'uhdati nafsihi wa al-tabarri min al-hawl wal-quwwati illa bih. Et aussi de tout remettre entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne n'est rien, il ne peut rien sans Allah tabaraka wa ta'ala. La recherche de l'aide et du secours auprès de lui, de refuge auprès de lui, et la personne sait, elle sort de toute reconnaissance de force ou de capacité venant de sa propre personne, mais il s'innocente et se désavoue de tout cela et il remet tout cela à Allah Azza wa Jal. Il n'y a de force et de capacité qu'en Allah Tabaraka wa Ta'ala. واعتراف العبد بعجزه عن عمله عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها. Et aussi la reconnaissance du serviteur qu'il est en manque. Il a ce manque de connaissance de ce qui est un bien pour sa propre personne et la capacité d'amener ce bien pour lui-même, et cette volonté vers ce bien, et que tout cela, tout ceci est entre les mains de son maître, de son créateur et de sa véritable divinité, de celui qu'il adore en vérité, qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a un qal. Donc là, il saute des passages de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, jusqu'à qu'il a dit, rahimahullah, والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده. Et l'objectif même de ce dua, c'est que la consultation, elle comporte une recherche de refuge auprès d'Allah تبارك وتعالى. Le serviteur met tout entre les mains d'Allah عز وجل. Il s'en remet à la capacité et à la force d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et au bon choix d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son serviteur. Wa hiya min lawazim ar-ridha bihi rabba. Et aussi, ce dua comporte aussi que la personne reconnaît obligatoirement une satisfaction, que la personne, il en découle que la personne est complètement satisfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala comme Seigneur. Alladhi la yadhuqu ta'ma al-iman man lam yakun kadhalik. Car celui qui n'a pas atteint ce degré d'être satisfait d'Allah comme Seigneur, celui-là n'aura pas goûté vraiment à la saveur de la foi. Wa in radiya bil maqduri ba'daha فذلك علامة السعادة. Et si il a la satisfaction de ce qui lui a été prédestiné, du résultat de cette consultation, ceci sera un signe du bonheur. انتهى كلامه رحمه الله من زاد المعاد في هدي خير العباد. Ici s'arrête la parole de l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله qui est tirée de son ouvrage زاد المعاد. Puis le cheikh Abdul Razzaq, hafizahullah, nous dit وَمَا نَدِمَ مَنْ إِسْتَخَارَ رَبَّهُ بِعِلْمِهِ الْمُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ. Et jamais ne le regrettera celui qui a consulté son Seigneur dans sa science qui a englobé toute chose, qui a enveloppé toute chose. وَاسْتَقْدَرَهُ بِقُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Et qui a consulté l'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui est capable de toutes choses. Il a la capacité complète et parfaite sur toutes choses. Wa sa'alahu subhanahu min fadlihi al-azim. Et qui a demandé parmi les bienfaits et les dons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlu Jabir radiyallahu anhuma. Et la parole de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna l'istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna sourata min al-Qur'an. Lorsqu'il a dit radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignait la consultation, la dua de consultation dans toutes nos affaires, dans tous les domaines, comme il nous enseignait la sourate du Coran. Fihi dalalatun ala shiddati ihtimam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bihadha ad-du'a wal-muhafazati alayhi wal-inayati bihi. Et ceci prouve, cette parole de Jabir radiyallahu anhu prouve que le grand engouement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ce dua, tellement qu'il est important, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait couramment et souvent à ses compagnons radiallahu anhum, et il était constant là-dessus alayhi salatu wa salam. Wa qawluhu yaqulu lana idha hamma ahadukum bil amr. Et sa parole, lorsqu'il dit radiallahu anhu, il nous disait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous a envie à l'intention d'entreprendre une affaire. أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك. C'est-à-dire, ceci concerne les sujets sur lesquels il ne connaît pas le futur. Il ne connaît pas la conséquence, comment elle va se terminer, que ce soit un voyage, le mariage ou autre chose. Et bien évidemment, on ne fait pas la prière de consultation sur la pratique d'une obligation ou le délaissement d'un interdit. Là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le faire. Il est impératif pour toi de ne pas commettre telle chose. Là, il n'y a pas de prière de consultation. Quelqu'un ne consulte pas Allah pour accomplir une action obligatoire ou délaisser une action qui est interdite. Wa qawluhu, et sa parole, falyarka rak'atayni min ghayr al-farida. Alors, s'il veut consulter Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il accomplisse une prière de deux unités, une prière de deux rak'a, mais qui ne fait pas partie des prières obligatoires, en dehors des prières obligatoires. Ay falyusalli rak'atayni min ghayr as-salawat al-mafruda. C'est-à-dire qu'il a pris deux rak'a en dehors des prières obligatoires. Wa dhalika li takuna salatuhu miftahan lahu li nayl al-khayr. Et ceci pour que sa prière soit une clé pour atteindre un bien. Wa sababan l'ijabati matloubihi wa tahqiqi marhoubihi. Et une cause pour qu'on lui exauce sa demande et qu'il réalise ce qu'il veut. Wa lam ya'ti fi shay'in min turuq al-hadith ta'yin qira'at qira'at mu'ayyanah min ayat al-Qur'an aw suwarihi li taqra fi hadhihi as-salah. Et il n'a jamais été rapporté, quelle que soit la variante et les différentes versions de ce hadith, une récitation bien précise durant ces deux rak'at. Il n'y a pas de verset ni de sourate bien précise à réciter. Chacun récite ce qu'il veut, comme sourate et comme verset. Il n'y a rien rapporté là-dessus qui viendrait préciser les biens de réciter telle sourate ou de réciter tel verset. ولذا يقرأ المستخير ما يسره الله له من القرآن دون التزام شيء معين. Et c'est pour cela que celui qui accomplit la prière de consultation, il récite ce qu'Allah lui a facilité de réciter parmi les passages du Coran sans s'attacher à une récitation bien précise. Wa qawluhu thumma yaqul. Et sa parole, puis qu'il dise. Zahiruhu anna ad-du'a yakunu ba'da al-faraghi min as-salah. De ce qui apparaît de cette phrase, c'est que l'invocation doit être prononcée, formulée après avoir terminé la salat. Ay ba'da an yusallim, c'est-à-dire après les salutations. Wa yahtamil anna dhalika qabla as-salam. أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها. De même qu'on peut supposer que cette dua elle doit être dite avant la salutation, mais après avoir terminé la prière et après les invocations dites après le tashahhud, juste avant le salam. On peut aussi comprendre qu'après la prière, c'est-à-dire quand tu as tout terminé juste avant le salam. والأولى الأول. Mais ce qui prime comme compréhension là-dessus, c'est la première position, c'est-à-dire que ce soit fait après les salutations. أي أن يكون الدعاء بعد السلام. C'est-à-dire que la dua, l'invocation, soit faite après la salutation. والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء. Et là, le cheikh précise que le mieux, c'est de lever les mains pour le dua. Les mains, on les lève à hauteur des épaules, des oreilles, soit les mains comme ça ou les mains collées, et faire la dua. لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. Car le fait de lever les mains pendant la vocation est une des causes pour que la dua soit exaucée. وَمَنْ كَانَ لَا يَحْفَظُ الدُّعَاءَ. Et celui qui ne mémorise pas, qui ne connaît pas par cœur cette invocation. وَقَرَأَ مِنْ كِتَابٍ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ. Et qu'il a lu depuis le livre, il n'y a pas de mal pour lui. En général, par expérience, les duas, quand on a l'habitude de les faire, à un moment donné, on n'a plus besoin du livre. Même si on prend le livre, on ne le regarde plus. Parce qu'on a l'habitude de faire la dua. Et celui qui a du mal, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire. Celui qui ne la mémorise pas, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire la dua. Surtout quand c'est une dua qui est à répétition. À répétition, à force, ça y est, la personne, elle la mémorise. Et subhanallah, et souvent les duas qu'on mémorise, on ne les a jamais apprises quand on apprend des sourates. C'est seulement à force de les répéter. À force de prendre et de lire, de répéter, eh bien on les a apprises. On ne les a pas apprises, on s'est assis, on a appris la dua en une seule fois. Non. Souvent les gens, ils les apprennent, c'est parce que, à force de répéter. Mais donc, celui qui ne mémorise pas, il n'y a pas de mal. Une fois qu'il a fini sa prière, il prend le livre, il prend la feuille où il y a la dua et il lit cette dua. وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء. Pendant la dua et toute dua dans la prière, dans les invocations, lorsqu'on implore, on supplie notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, il faut faire l'effort d'avoir un cœur qui soit présent, un cœur vivant, c'est-à-dire qui est concentré et qui médite sur ce que tu récites. Donc d'essayer de comprendre ces phrases qu'on emploie, de le faire avec humilité face à Allah tabaraka wa ta'ala et véracité dans la dua. والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. Et aussi de méditer dans le sens et la signification de cet énorme دعاء. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر له من معاني طلب الخيرة. Et celui qui ne mémorise pas ce dua, et au moment où il est dans le besoin de la faire, cette prière de consultation, il n'a pas le livre. L'écrit n'est pas en sa possession à ce moment-là. Et qui est dans le besoin de faire la prière de consultation, alors qu'il fasse une prière de deux rak'a, puis il fait une dua avec ce qu'Allah lui permet de formuler, hein, de phrases qui vont dans ce sens. Ils vont dans ce sens. Ils consultent Allah tabaraka wa ta'ala avec ses propres phrases qui vont dans ce sens. Wa qawluhu, et sa parole. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Oh Allah, je te consulte par ta science. Ay atlubu minka ya Allah an takhtara li al-khayra min al-umur wal arshada minha bi'ilmika al-muhit بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. C'est-à-dire, je te demande à toi, ô Allah, de choisir pour moi le bien dans ces choses, dans ces affaires, ce qui est meilleur pour moi, qui est connu dans ta science, qui englobe et enveloppe toutes choses. Allah sait tout, dans le passé, le présent et le futur, et même la chose qui ne va pas arriver, si elle devait arriver, comment elle devrait arriver. Rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala, et là la science infuse et infinie subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, et sa parole. Wa astaqdiruka biqudratik, et je te demande par ton omnipotence, ta capacité sur toute chose, rien n'est impossible à Allah تبارك وتعالى إلي كباب دو تو سبحانه وتعالى أي أطلب منك أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. Je te demande, oh Allah, de me donner la capacité, par la capacité que tu as sur toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. وقوله, et sa parole, وأسألك من فضلك العظيم. Et je te demande de tes bienfaits énormes. أي أطلب منك يا الله أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. Je te demande à toi seul, ô Allah, tabaraka wa ta'ala, de m'honorer par les dons et les bienfaits et de me donner de ce que tu donnes, car tu es celui qui honore, tu es celui qui donne, le seul qui pourvoit, tu n'as pas d'associé. يرحمك الله. وقوله, et sa parole, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Car tu es celui qui est capable et moi je ne suis pas capable. Tu es celui qui sait et moi je ne sais pas. Et tu es le connaisseur, celui qui a la science de l'inconnu, de toutes choses. فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وبكل شيء. Il y a la foi là-dedans, une reconnaissance, une affirmation de la foi, de la personne du serviteur, de la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toutes choses et en toutes choses. وأنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne lui échappe, que ce soit dans les cieux ou la terre, rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sait tout. والاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. Une reconnaissance du serviteur qu'il est faible, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît sa pauvreté, il reconnaît ses manquements face à son maître et à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. وقوله, et sa parole, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Oh Allah, si tu sais que cette chose, que cette affaire, ويسميه بعينه, et il nomme cette affaire, il nomme cette chose pour laquelle il a consulté Allah tabaraka wa ta'ala. Il nomme pour le mariage, pour tel voyage, pour tel achat, pour telle transaction, et ainsi de suite. Il cite la chose, bien qu'Allah sait, mais c'est dans la sunna, le prophète a demandé qu'on cite et formule la chose. ويسميه بعينه إن كان زواجا أو بيعا أو سفرا أو غير ذلك. Donc il nomme la chose, il précise la chose, que ce soit un mariage, une vente, une transaction, un voyage ou autre. وقوله إن كنت تعلم. Et sa parole, si tu sais, يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره. Ceci revient à dire que le serviteur reconnaît et il montre cette reconnaissance et il la formule, cette reconnaissance qui ne connaît pas les conséquences des choses et des affaires. وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء. Mais le Seigneur تبارك وتعالى, glorifié soit-il, exalté soit-il, sa science englobe et embrasse toutes choses, rien ne lui échappe. C'est pareil pour lui, subhanahu wa ta'ala, le passé, le présent, le futur, ce qui est apparent, ce qui est caché, l'extérieur, l'intérieur, rien n'échappe à Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu, et sa parole, khayrun li, fi dini, wa ma'ashi wa aqibati amri. Sa parole, cette chose, cette affaire est meilleure ou un bien pour moi dans ma religion et dans ma vie et ses conséquences. قدم الدين. Il a cité en premier, il a fait passer en premier la religion. قدم الدين. Il a cité en premier la religion. لأنه الأهم. car c'est ce qui est le plus important. Donc un bien déjà en premier lieu dans ma religion, avant même de parler de sa vie d'ici-bas. فَإِذَا سَلِمَ الدِّينِ فَالْخَيْرُ حَاصِلٌ. Si la religion est épargnée, alors le bien il est là, il va venir le bien, puisque la religion elle a été épargnée de toute forme de mal. وَإِذَا اخْتَلَّ فَلَا خَيْرَ بَعْدَهُ. Et si la religion elle va être entachée, elle va être à subir un mal, alors sachez qu'il n'y aura pas de bien après. Après la religion, il n'y aura pas de bien. وَقَوْلُهُ. Et sa parole. أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ. Ce soit dans un futur proche ou lointain. العاجل c'est proche. العاجل c'est lointain. هذا شك من الراوي. Ça c'est un doute provenant du rapporteur du hadith. أو قال إلى où il dit. Là le cheikh عبد الرزاق حفظه الله nous précise que c'est un doute qui provient du rapporteur du hadith. وهما يؤديان للمعنى السابق. Mais ils vont dans le même sens. Les deux phrases, il dit telle chose ou telle chose, en réalité, ça revient au même. Ça concerne le même point et le même sujet. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre de Dua, son recueil de Dua, Al-Kalim al-Tayyib, la bonne parole, hein, qui est connu, je crois même il est traduit en français, et il y a même que les hadiths authentiques retenu par Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, qui s'appelle Sahih al-Kalim al-Tayyib, l'authentique de la bonne parole. Ça c'est que les hadiths authentiques retenus par Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, celui-là il traduit en français, mais la base de ce livre c'est Al-Kalim al-Tayyib, la bonne parole, qui est un livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. Cheikh Al-Islam donc pour ce dua là il les a mis ensemble les deux variantes. Donc on n'aura pas « Oqala ». Il ramène la première et la deuxième ensemble. Comme ça, tu dis les deux phrases l'une après l'autre. « وَقَوْلُهُ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي. Sa parole « Destine-le-moi » fait que cette chose m'arrive et facilite-le-moi. « أَيْ اِجْعَلْهُ لِي مُقَدَّرًا وَمُيَسَّرًا. C'est-à-dire, fais-le pour moi, une chose qui va m'arriver, qui me sera destinée, puisqu'il y a un bien en elle, dans la religion et dans la vie d'ici-bas. Fais-le que ceci m'arrive, que je puisse l'avoir, et facilite-le-moi. وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَالِكْ لِفِيهِ. Et sa parole, puis bénis-le-moi. Mets de la bénédiction là-dedans. أَيْ أَدِمْهُ عَلَيَّ وَضَعِفُهُ. C'est-à-dire, fais que cette chose reste auprès de moi, fais que je l'ai perpétuellement et en abondance. فَالْبَرَكَ تَتَضَمَّنْ ثُبُوتَ النِّعْمَ وَنُمُوَّهَا. Car la bénédiction, elle comporte l'acquisition ou alors l'affirmation du bienfait, de l'avoir et aussi de son développement et sa propagation. وَقَوْلُهُ. Et sa parole. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي. Et si tu sais que telle affaire, telle chose est un mal pour moi. إِلَى آخِرِ الدُّعَى. Jusqu'à la fin du dua. فِيهِ سُؤَالُ اللَّهِ أَن يَصْرِفَ هَذَا الْأَمْرَ عَنْ بَالِهِ وَأَن يُبَاعِدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. Il y a la demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'éloigner cette chose qu'il voulait entreprendre, mais dans laquelle il a consulté Allah Azza wa Jal. Donc si, oh Allah, il y a un mal dedans, éloigne-le même de ma conception, éloigne-le de mon raisonnement, de ma tête, de mes pensées. Fais que je l'oublie, c'est un éloignement total, intérieurement et extérieurement. أن يصرف هذا الأمر عن باله. Qui n'y pense plus à cette chose-là, parce que c'est un problème. Une personne n'a pas une chose, mais ça le trotte. Et parfois, ça fait mal pour la personne de penser. Donc, il demande à Allah, quand il dit de l'éloigner, c'est un éloignement total de la chose. Et qu'il l'éloigne de cette chose-là. Et qu'il lui destine le bien là où il se trouve. بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد أو عدمه إن عدم. Et qu'Allah lui octroie, lui donne la satisfaction de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété, du partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Allah lui a donné ce qu'il demandait, ou soit Allah l'en a privé, il en est satisfait. Il a consulté Allah, il a une confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala, il est satisfait du résultat. Je l'ai eu, c'est qu'il y avait un bien en soi. Je ne l'ai pas eu, c'est que c'était un bien pour moi. Donc, il demande à Allah cette satisfaction. وَالْخَيْرُ فِي مَا يَخْتَرَهُ اللَّهُ. Et le bien est dans ce qu'Allah a choisi. وَالْتَوْفِيقُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ. Et la réussite est entre les mains d'Allah, glorifié soit-il. وهو الهادي وحده الى سواء السبيل. Et lui seul, il est le guide vers le chemin de la rectitude et du droit chemin. Ici s'arrête l'explication et la parole de l'honorable cheikh, le docteur Abd al-Razzaq, fils du grand savant, le cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahumullah ta'ala. Pour terminer, on a un écrit, Ida'at fi salat al-istikhara. لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى. Quelques éclairages, explications concernant la prière de consultation de l'honorable cheikh, le docteur Mohamed Bazmoul, حفظه الله تعالى. Il dit: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه مطوية مهمة موسومة بإضاءات في صلاة الاستخارة. Toutes les louanges sont à Allah, prière et salutation sur le messager d'Allah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, voilà un dépliant concernant certains points sur le sujet de salat al-istikhara. أولاً, premièrement, أي ركعتين من غير الفريضة يمكنك دعاء الاستخارة بعدها إذا هممت بالأمر ونويت الصلاة بعدها. C'est-à-dire que tu accomplis deux rak'at, une prière de deux unités en dehors de la prière obligatoire, qui vont te permettre de faire la dua, l'invocation de la demande de consultation après, lorsque tu as envie d'entreprendre une affaire. Et donc avec cette intention-là, tu as accompli ces deux prières, cette prière de deux unités, et derrière, tu as formulé le dua. Tusalliha wa tad'u wa tamdi thaniyan, deuxièmement. Tusalliha wa tad'u wa tamdi lil amr alladhi ikhtartahu min al umur allati taraddadta baynaha aw fi al amri turiduhu. Donc tu accomplis cette prière et tu invoques, tu fais la dua. Et puis tu entreprends ton affaire. Voilà l'ordre à suivre. J'ai accompli les deux rak'at, j'ai fait la dua et je vais vers mon affaire que je vais entreprendre. Donc, soit une chose sur laquelle j'étais dans le doute, je fais, je ne fais pas, ou une chose que j'avais envie de faire, sans aucun doute. Quelle que soit ma situation, je fais dans cet ordre-là la prière, la dua, et je vais vers cette affaire. تظهر الخيار في الأمر بتيسيره وتسهيله فإذ تعكس فاتركه إلى غيره. Le bien il apparaît dans la facilité de cette affaire. Lorsque j'ai fait ma prière, j'ai fait la dua, et juste derrière je suis parti entreprendre cette affaire-là, si je vois les portes bien ouvertes, je vois la facilité, c'est qu'il y a un bien dedans. C'est qu'il y a un bien dedans. Cette facilité-là, c'est le signe qu'il y a un bien dedans. Mais si c'est le contraire, je vois que les portes se ferment, je rencontre des obstacles, des difficultés, alors je la délaisse pour autre chose. Je la délaisse pour autre chose. Ça, c'était le troisième point. رابعاً, quatrièmement, ليس لصلاة الاستخارة قراءة معينة. Donc il y a des choses qu'on a déjà vues. La répétition, c'est un rappel, c'est un bien. On en a besoin. Quatrième point, cette prière, la prière de consultation, ne comprend pas des versets ou des sourates bien précises à réciter. La personne récite ce qu'il veut dans cette salat. Khamisen, cinquièmement. لا تعرف الخيار بالرؤية ولا يشترط لها أن تأكل شيئاً معيناً. On ne connaît pas le bien qui découle de cette prière de consultation par un rêve qu'on va faire. Et ce n'est pas une condition de manger quelque chose de bien précis. Ça ici, cher, s'il le précise, et s'il en parle, c'est qu'il y a des gens qui prétendent des choses là-dessus. Concernant la prière de consultation, il y a plein de choses. Les gens, les innovations, les superstitions et tout ça, il y a beaucoup de choses qui existent chez les gens. Et le rêve, c'est un sujet que les gens mélangent avec le salat istikhara. Ils attendent de faire un rêve. Ils pensent que la réponse, elle va être dans un rêve. Jamais cela n'a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne connaît pas le bien qui va découler de cette prière de consultation par un rêve qui sera fait. Et ce n'est pas une condition de manger quoi que ce soit de précis pour cette prière de consultation. Sadisem, sixièmement, la mani'a min takrar as-salah li-istikhara. Il n'y a pas de mal à répéter la prière de consultation. C'est-à-dire de la faire plusieurs fois. Sabi'an, septièmement, al-zahir, idha sababuha yafout, وتحتاج أن تصليها في وقت النهي فيجوز صلاتها فيه لأنها بسبب يفوت له لو أخرتها. De ce qui apparaît que si le moment où tu veux faire cette prière de consultation est durant un horaire où il est interdit de prier, les moments où il est interdit de prier, comme entre après avoir prié le fajr jusqu'au lever du soleil. Après ça, l'asr, jusqu'au coucher du soleil. D'accord ? Ces moments-là, où il est interdit de prier, si à ce moment-là, bien précis, tu as besoin de faire la prière de consultation, si tu ne la fais pas à ce moment-là, si tu la retardes, tu vas perdre cette chose que tu vas entreprendre, alors c'est une raison qui te permet de faire la prière de consultation à ce moment-là. À ce moment-là, tu auras le droit de faire cette prière-là, car la cause, il y a une cause qui viendra le permettre. ثامنا ويتيمون لو كان المسلم على غير طهارة أو لا يستطيع الصلاة فيكفيه الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الحديث رواه الإمام البخاري. ويتيمون si le musulman n'est pas en état d'ablution ou alors il ne peut pas accomplir la prière, alors il se contentera de faire seulement le dua. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque je vous ordonne, je vous demande une chose, accomplissez-la comme vous le pouvez. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Tasi'an, neuvièmement. Yushra'u salatu l'istikhara fi kulli amr. La prière de consultation et légiférer dans toutes les affaires, tous les sujets que la personne veut entreprendre, elle est légiférée à accomplir. Ashiran, dixièmement. Al-ithmu wal-ma'siyya wal-mukhalafa la khayra fiha fa laysat mahallan lil-istikhara. Le mal, le péché, la désobéissance, contredire les ordres d'Allah et de son prophète, sallam, il n'y a aucun bien là-dedans. Ce n'est pas un sujet sur lequel on fait la prière de consultation. Hadi Ashar, onzièmement. Tajouzu al-istikharatu fil-layli wal-nahar. Hatta walaw fi waqti al-nahi إذا كان سببها يفوت. Il est permis de faire la prière de consultation de nuit comme de jour. Et même s'il le faut, dans le cas du besoin, durant les horaires où il est interdit de prier. S'il sait que ce pour quoi il va faire la consultation, il va perdre cette chose-là s'il ne le fait pas à ce moment-là. ثاني عشر, deuxièmement. ومنضع الدعاء يجوز في آخر الصلاة قبل السلام ويجوز بعد السلام. Ça, c'est un point qu'on a vu tout à l'heure, le Cheikh Abdelrazak, il en a parlé aussi. Et le moment d'accomplir ou de formuler la dua de consultation, le dua de consultation, il est permis de le faire à la fin de la prière, juste avant le salam, les salutations, et il est permis de le faire après la salutation. Ici s'arrêtent ces explications de Cheikh Dr. Mohamed Bazboul, حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.